Chapitre 29. La poussière. Ophélie avait eu dans sa vie l'occasion de passer par plusieurs salles d'attente, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. Un eucalyptus se dressait en plein milieu du tapis et des perruches gazouillaient sur les dossiers des banquettes. L'observatoire des déviations était décidément un endroit des plus surprenants. Lorsque Blasius lui en avait parlé, Ophélie s'était représenté un sinistre hôpital. Elle découvrait un édifice haut en couleur où la jungle faisait partie intégrante de l'architecture. Ses pagodes, ses ponts, ses serres et ses terrasses formaient un ensemble si tentaculaire que l'observatoire occupait une arche mineure à lui seul. Elle ignorait quelles étaient exactement les déviations observées ici, mais les responsables des lieux avaient de sacrés moyens. Ophélie n'eut pas longtemps à attendre. À peine s'était-elle posée sur une banquette qu'une adolescente vint à sa rencontre. Elle portait un sari de soie jaune, un pince-nez à verre sombre, de longs gants de cuir et un singe mécanique sur l'épaule. Ophélie ne l'aurait jamais prise pour un membre du personnel si elle ne lui avait fait signe de la suivre. « Bienvenue dans notre établissement, Miss Lally. La patiente a été conduite dans la verrière des visiteurs. Permettez-moi de vous y accompagner. Vous êtes la première personne à venir pour cette pauvre Miss Mediana, » murmura l'adolescente une fois qu'elles eurent quitté la salle d'attente. « J'ai pris mon dimanche pour rendre visite à ma camarade. Nous ne pourrons malheureusement vous accorder plus de 5 minutes avec elle. Je suis sûre que ça lui fera du bien de voir le visage d'une amie. » Ophélie s'abstint de la détromper. « C'est Lady Septima qui vous l'a confiée ? Et qui a pris tous les soins à sa charge. Une sainte femme, Lady Septima. Louée soient les lords de luxe. » La jeune babélienne s'exprimait avec une véritable ferveur religieuse. Chacun de ses sourires produisait un rayon de lumière à travers la nuit de sa peau. Alors qu'elle la suivait le long d'un couloir, Ophélie se prit à l'envier. En ce qui la concernait, il lui semblait qu'elle ne sourirait plus jamais. « Notre collaboration est terminée. » Elle refoula les mots de Thorne. « Ne surtout pas penser, agir. » « De quoi souffre exactement, Mediana ? On m'a parlé d'une attaque cérébrale, mais ce n'était pas très clair. » Le sourire de l'adolescente s'élargit et ses yeux pétillèrent par-dessus les verres sombres de son pince-nez. « Sorry, miss. Je ne suis pas autorisée à répondre à cette question. » « Mais c'est la spécialité de votre observatoire, des cas comme le sien. »« Sorry, miss, je ne suis pas autorisée à répondre à cette question non plus. » Sur l'épaule de l'adolescente, le singe mécanique se mit soudain en mouvement pour lui tendre un bloc-notes. « Tiens, je vois que nous avons déjà un dossier à votre nom, Miss Lally. »« À mon nom ?» s'étonna Ophélie. « Ce doit être une erreur. » L'adolescente éclata de rire, tandis qu'elle feuilletait son bloc-notes. « Nous ne commettons jamais d'erreur, Miss Lally. Nous sommes très bien informés. Nous avons nos propres avant-coureurs à l'observatoire, » dit-elle avec un regard entendu pour les ailes aux bottes d'Ophélie. « Pour en revenir à votre dossier, il se trouve que vous avez effectué une visite médicale lors de votre entrée au conservatoire de la Bonne Famille. » Les résultats de vos tests nous ont été communiqués et, d'après ce que je lis là, ils présentent un caractère intéressant. Vous avez 5 minutes, rappela l'adolescente en ouvrant une porte vitrée. Je reste dans le couloir, si vous avez besoin de moi. Ophélie demeura immobile. Des tests médicaux le jour de son admission. La seule chose dont elle se souvenait, c'était d'avoir fait des mouvements sans queue ni tête et 15 tours de piste qui avaient failli l'achever. Elle ne voyait vraiment pas en quoi ça pouvait présenter un quelconque intérêt pour qui que ce fût. Elle cessa d'y penser en pénétrant dans la verrière des visiteurs. D'immenses vitraux transformaient la lumière du soleil en arc-en-ciel. Les couleurs ricochaient sur le carrelage, se mêlaient aux branches des palmiers et traversaient l'eau des bassins à poissons. La sérénité des lieux faisait presque oublier le vent extérieur qui agitait tous les carreaux dans leur châssis. Mediana était assise sur un banc. Elle se tenait accroupie, les jambes repliées contre son corps, les yeux ouverts en grand. Elle ne réagit pas à la sonorité familière des ailes d'avant-coureur lorsqu'Ophélie s'approcha et vint s'asseoir à côté d'elle. Bonjour. Médiana ne répondit rien. Ophélie crut d'abord qu'elle contemplait le vitrail qui faisait face au banc, mais ses yeux étaient figés dans leurs orbites. Ce que Médiana regardait se trouvait à l'intérieur d'elle-même. Elle était méconnaissable dans son pyjama trop ample. Sa musculature avait fondu, ne lui laissant que la peau sur les os. Où était passée sa puissance, où était passée sa grâce et sa superbe? La lumière du vitrail faisait scintiller les pierres précieuses incrustées dans la chair de son visage. Tant de couleurs sur ce corps sans âme, c'était presque déplacé. Ophélie chercha ses mots, mal à l'aise. « Tu te demandes sans doute ce qui m'amène? Ton départ de la bonne famille a été si précipité. Tu as laissé beaucoup de questions derrière toi. » Médiana ne répondit toujours pas. Les bras contractés autour de ses jambes, elle continuait de fixer le néant comme une gargouille de pierre. « Tu sais que tu me causes encore des ennuis ?» murmura Ophélie. « Tes cousins me mènent la vie dure. Tu te plaisais à dire qu'ils te détestaient, mais crois-moi, ils me font chèrement payer d'avoir pris ta place. » Toujours aucune réponse. Ophélie se retourna sur le banc. Il n'y avait personne à part elle dans la verrière, mais elle avait sans cesse l'impression de sentir un regard dans son dos. « Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes du mémorial ?» demanda-t-elle alors d'une voix infime. « Qui t'a fait ça ?» Encore le silence. « Je dois absolument savoir, » insista Ophélie. « Est-ce que tu as découvert quelque chose à propos d'un livre ? Un livre de Heidi, peut-être » suggéra-t-elle face à l'inexpressivité de Médiana. « L'ère des miracles ?» Toujours rien. Ophélie prit une inspiration. Il restait une dernière carte à abattre. « Qui sème le vent récolte la tempête. » C'est le sans-peur qui m'a chargé de te transmettre ce message. Est-ce lui qui t'a mise dans cet état ? » Elle guetta longuement une réaction, espérant que ce nom au moins produirait son petit effet. Mais Médiana ne scia même pas. Une mouche se posa sur sa lèvre inférieure, comme si elle n'était plus qu'un cadavre. Ophélie s'était promis de ne jamais avoir pitié d'elle. Pas après son chantage et sa manipulation. Pourtant, la voir ainsi lui fit mal. « Alors c'est comme ça ? » la gronda-t-elle à voix basse. « Tu vas passer le reste de ta vie en pyjama sur un banc ? Tu rêvais de devenir avant-coureuse, tu voulais tout savoir. La Médiana que j'ai connue serait déjà à la recherche d'un nouveau secret. » « Miss Olali ? » À l'autre bout de la verrière, l'adolescente avait rouvert la porte et lui faisait signe de partir avec un grand sourire. « Sorry, miss. » Les 5 minutes de visite sont écoulées. Ophélie se leva du banc à contre-cœur. Elle voulut se lever, du moins. La main de Médiana s'était cramponnée à sa redingote pour la retenir. Rien dans son attitude n'avait changé. C'étaient les mêmes yeux écarquillés sur le vide, le même corps tétanisé, mais ses lèvres articulèrent 2 mots. « Un autre. » « Pardon ?» Ophélie se pencha sur Médiana pour rencontrer enfin son regard. La seule chose qu'elle y vit fut une frayeur d'une telle intensité qu'elle en eut les entrailles nouées. « Un autre. Il y en a un autre. Un autre quoi ?» Pour toute réponse, Médiana la lâcha et replongea dans son mutisme. « Miss Lali ! » appela joyeusement l'adolescente. « La visite est terminée !» Ophélie était venue à l'observatoire des déviations pour obtenir des réponses. Elle le quitta avec une question supplémentaire. Quel était donc ce nouvel autre ? Une chose au moins lui parut évidente, tandis qu'elle descendait le grand escalier de marbre qui menait à l'arrêt du tramoiseau. Médiana, Miss Silence et le professeur Wolf partageaient désormais un vrai point en commun, la terreur. Le vent s'avéra particulièrement âpre sur le belvédère du quai à cause de la proximité du vide. Il soulevait des tourbillons de poussière d'une telle densité qu'on ne voyait et n'entendait pratiquement rien. L'observatoire des déviations n'était pas une destination très desservie. Il fallait s'armer de patience entre 2 passages de tramoiseaux et de la patience. Ophélie s'en sentait dépourvue. Dès qu'elle cessait d'agir, les pensées revenaient à la charge. Notre collaboration est terminée. Nathan l'avait repoussée, avec ses mots et avec ses griffes. Ophélie se sentait plus sèche que la poussière qui lui brûlait les yeux. Il lui manquait, il n'avait jamais cessé de lui manquer, même quand elle était près de lui. Elle n'était pas parvenue à tenir sa place de collaboratrice, elle n'avait rien compris à ce qu'il attendait véritablement d'elle. Elle avait espéré de lui ce qu'il ne pouvait plus lui donner. Encore maintenant, elle se cramponnait à son enquête et fouillait les recoins de Babel, alors qu'au fond, c'était toujours Thorn qu'elle continuait de chercher. Ophélie serait dit. À travers le déluge de poussière qui crépitait sur ses lunettes, elle distingua une silhouette sur le quai. Ce n'était peut-être qu'un autre voyageur, mais il semblait l'observer avec insistance. Soudain, la silhouette fonça sur elle à pas précipité. Ophélie prit brutalement conscience de la proximité du vide. Elle eut une pensée fulgurante pour le malheur qui avait frappé tous ceux dont elle voulait percer les mystères. La peur de Médiana, la peur de Miss Silence et la peur du professeur Wolfe devinrent sa propre peur. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ophélie reconnut la voix, emplie de méfiance sous le chahut du vent, cette silhouette qui lui faisait face. C'était Octavio. Il avait remonté sa veste par-dessus sa tête pour s'abriter, ce qui le faisait paraître plus grand qu'il ne l'était en réalité. Son don de visionnaire lui avait permis de reconnaître Ophélie, malgré la mauvaise visibilité qui régnait sur le belvédère. « Tu m'as suivi !» insista-t-il. « Tu me veux quoi ?»« Du calme. Je suis venu rendre visite à Médiana. Et toi ?» Il y eut un long silence tendu, puis... « Ne dis pas à ma mère que tu m'as vu ici. » Ça aurait pu ressembler à un ordre, mais la voix d'Octavio était passée de l'hostilité à l'inquiétude. « Tu me demandes, toi, de mentir ? Je croyais que l'honnêteté était un devoir civique à Babel. » Ophélie toussait plus qu'elle ne parlait. Elle avalait de la poussière à chaque inspiration. Elle sursauta en entendant crisser les roues du tramoiseau au moment où il se posait sur les rails du quai. Juchés sur les toits des wagons, les volatiles géants se tenaient héroïquement dociles malgré la tempête. Ophélie et Octavio s'engouffrèrent à l'intérieur. Ils pointèrent chacun leurs cartes, prirent place sur une banquette, puis passèrent plusieurs minutes à épousseter leurs vêtements sans échanger un mot ni un regard. Il n'y avait qu'un autre passager dans leur wagon et il dormait si profondément que son turban était tombé à ses pieds. « Mentir est un péché !» déclara Octavio une fois que le tramoiseau eut décollé. « Je vais donc te demander ce que j'ai demandé au personnel de l'observatoire. Si ma mère t'interroge, dis-lui la vérité, le cas échéant. J'apprécierai ta discrétion. » Elle lui jeta des coups d'œil à la dérobée. La longue frange noire derrière laquelle il avait l'habitude de se dissimuler était tout ébouriffée. Son visage avait perdu son calme impérial. Même ses yeux, résolument tournés vers la vitre, brillaient d'un éclat moins orgueilleux. Octavio serrait les poings sur ses cuisses comme s'il se sentait soudain en position d'infériorité, humilié. Ophélie l'avait toujours perçu comme la copie conforme de Lady Septima. De savoir qu'il était capable de désobéir à sa mère, une lord de luxe de surcroît, le lui rendait moins antipathique. Elle n'était pas prête à lui faire confiance pour autant. « Si je dois t'aider à cacher quelque chose, j'aimerais au moins savoir de quoi il s'agit. » « Que faisais-tu à l'Observatoire des déviations en même temps que moi ?»« C'est plutôt toi qui étais en même temps que moi, » fit remarquer Octavio d'un ton hautain. « Je viens ici chaque dimanche. » Il se mordit la lèvre comme s'il hésitait à en révéler davantage. « Je rendais visite à ma sœur. » Ophélie s'était préparée à beaucoup de révélations, mais certainement pas à celle-là. « Tu as une sœur ?»« Elle s'appelle Seconde. Elle est... » différente. Elle l'a toujours été. Octavio se détourna brusquement de la vitre pour darder son regard sur Ophélie, la mettant au défi de se moquer. Elle n'en avait aucune envie. Moi aussi, j'ai une petite sœur différente. Elle ne parle presque pas. Mais elle sait très bien se faire comprendre quand même. Ça n'a rien de honteux. Elle réalisa au moment de faire cette confidence qu'elle s'était exprimée en tant qu'Ophélie et non plus en tant que Lali. Sa sincérité eut au moins le mérite de détendre Octavio, dont les poings s'étaient relâchés sur ses cuisses. « Et ton père ? » demanda-t-elle prudemment. « Il t'interdit aussi de voir ta sœur ? » « In fact, je ne lui ai pas parlé depuis des années. Il a quitté ma mère quelque temps après la naissance de Seconde. Du point de vue de mes parents, donner naissance à un enfant imparfait a jeté le déshonneur sur toute la descendance de Pollux. Ma mère a fini par estimer que la meilleure place pour Seconde, c'était cet observatoire où ils peuvent étudier son cas. Ma sœur sert ainsi la cité à sa façon. Tu désapprouves. Ophélie n'avait fait qu'émettre un simple constat, mais il fit l'effet d'un soufflet à Octavio, qui la dévisagea avec un regain de défiance, la chaîne d'or se balançant à son sourcil. Je n'ai ni à approuver ni à désapprouver. Ma mère s'est toujours mise au service de l'intérêt familial. Ophélie essuya ses lunettes contre la manche, tout aussi poussiéreuse de son uniforme. Dans quelle mesure Octavio connaissait-il les forces qui se dissimulaient réellement derrière cet intérêt familial? Il était doté d'un sens de l'observation hors du commun, mais dès qu'il s'agissait de Lady Septima, il devenait aveugle. « De toute façon, je ne sollicitais pas ton opinion !» ajouta-t-il en se redressant avec raideur sur la banquette. « Le fait est que ma mère juge préférable que Seconde et moi vivions nos vies, chacun de notre côté. La seule chose que je te demande, c'est de ne rien lui dire de mes visites, à moins qu'elle ne te pose, directly, des questions. » « Je ne lui dirai rien, » promit Ophélie, « même si elle m'en pose. » Ils se turent l'un et l'autre. Durant ce silence embarrassé, seuls se firent entendre les battements d'ailes des oiseaux, le grésil de la poussière contre les vitres et les ronflements du troisième passager. Ophélie ne pouvait venir à bout de la désagréable impression de sentir une présence dans son dos, mais elle avait beau se retourner, il n'y avait personne sur la banquette de derrière. Tous les élèves du conservatoire profitent de leur dernier jour de congé pour mettre les bouchées doubles, reprit soudain Octavio. Et toi, tu rends visite à Mediana? Je n'avais pas le sentiment que tu étais en si bons termes avec elle. Ophélie haussa les épaules. Je ne vois pas l'utilité de réviser puisqu'il n'y a aucun examen de passage pour devenir aspirant. Lady Hélène et Sir Pollux nous jugent sur l'ensemble de notre cursus. On m'a dit que Mediana n'était plus en état de communiquer. Qu'est-ce que tu lui voulais? Ophélie sentit sur elle le regard insistant d'Octavio. Elle ne se débarrasserait pas de lui ainsi. J'essaie de comprendre qui lui a fait ça et pourquoi. Je présume que tu vas m'affirmer, comme ta mère, qu'il n'y a rien à comprendre. Tu présumes mal. Je pense que nous sommes tous en danger, ma mère incluse. Ophélie cessa de frotter ses lunettes pour les remettre sur son nez plus sale que jamais. Les sourcils d'Octavio étaient passés de l'état d'accent circonflexe à celui d'accent grave. Il avait l'air très sérieux. « Le professeur Wolfe, » se rappela-t-elle. « Tu savais qu'il avait été menacé? Tu m'avais averti que ça pourrait m'arriver aussi. »« Je ne le savais pas, mais je le supposais. » Ce qui est arrivé à Miss Silence et Mediana n'a fait que confirmer mes soupçons. Il y a quelqu'un qui prend un malin plaisir à malmener celles et ceux qui fréquentent le mémorial de trop près. Le sans-peur est presque sans reproche. Of course! Qui d'autre? Ce perturbateur bafoue nos lois les plus sacrées avec ses provocations. Il implante dans les esprits ce que les lords de luxe s'évertuent à purger depuis des décennies, des idées malsaines, agressives et dégradantes. C'est cet individu qui devrait se trouver à l'observatoire des déviations. Octavio s'était exprimé avec un calme souverain, mais Ophélie ne s'y trompa pas. Ses yeux rougeoyaient comme s'il traquait à travers les parois du wagon et les kilomètres de nuages le sans-peur en personne. Il était consumé de l'intérieur par un brasier qui ne demandait qu'à jaillir. Ophélie se demanda s'il en avait conscience, mais la question qui lui monta aux lèvres fut tout à fait différente. « As-tu déjà lu les livres de E.D. ?» Elle regretta après coup son imprudence. Sa curiosité la poussait trop souvent à poser les bonnes questions aux mauvaises personnes. « Les vicomtes pour enfants ?» s'étonna Octavio. « Je les ai vaguement feuilletés quand j'étais môme. Tu trouveras la collection complète au Memorial. » Soit il était un excellent comédien, soit il ignorait le sort que Miss Silence avait réservé à ses livres. « Et qu'as-tu pensé de l'ère des miracles ?»« Ce n'est pas le meilleur de la collection. C'est un conte qui décrit les débuts du Nouveau Monde. Cet Idi était un auteur sans grande originalité. Pourquoi tu t'intéresses à ces livres? Ce n'est quand même pas Sir Henry qui t'a demandé de les expertiser, non? À l'évocation de Thorne, Ophélie sentit une fêlure se creuser brutalement entre ses côtes. Elle se concentra sur les gargouillis métalliques du tramoiseau pour laisser passer la douleur. Et si nous allions rendre visite au professeur Wolfe? Proposa-t-elle soudain. Demandons-lui si, oui ou non, le sans-peur lui a fait subir des intimidations. Ensemble? Octavio parut complètement pris au dépourvu. Ophélie ne l'était pas moins. Elle n'avait pas envisagé avant cet instant de s'associer avec le fils d'un lord de luxe, mais réflexion faite, cette idée n'était pas si insensée. Octavio avait plus d'influence qu'elle. Il lui ouvrirait peut-être des portes qui lui seraient restées fermées, à commencer par celle du professeur Wolfe. Ensemble, oui,